J'étais amoureux d'elle, les gens t'ont dit t'es pas fait pour elle. Elle répond pas au tel, tu pètes les plombs, tu fais ton bordel. Talon, rimmel, trop pour elle. T'es pas tous autour d'elle. Tu fais le mec qui t'en tape, mais tu meurs pour elle. Et elle en profite, oui ça va trop vite. Elle te fait croire qu'elle est chez sa cousine, mais elle est sur la piste. Champagne, bordel, tout le monde la piste. Sur la joue, ça lui fait des kisses. Si c'est plus fort qu'elle, elle peut finir à l'hôtel Ibis. Faut de tout pour faire un monde. N'écoute pas trop les ondes. Comme elle t'a fait la honte, je crois qu'elle t'a vu trop gentil. T'as pas écouté tes potos, ils l'ont même pris en photo. Fin de soirée en buvette, elle s'est fait charger en moto. Elle s'est fait charger en moto. Tu regardes devant toi, tu vois pas ce qui se passe dans son dos. Elle fait les 400 coups, mais quoi qu'elle fasse, t'es accro. Car tu l'as low, tu l'as low, t'es ta drogue, tu l'as low. Tu regardes devant toi, tu vois pas ce qui se passe dans son dos. Elle fait les 400 coups, mais quoi qu'elle fasse, t'es accro. Car tu l'as low, tu l'as low, t'es ta drogue, tu l'as low. Elle t'a fait tourner la tête. Dans son dos tu fais le rebelle. Et quand tu l'envoies tu baisses la tête. Tu peux en choisir une autre, pour moi c'est pas la bonne. Des problèmes tu vas en avoir en tonne. Pour moi tu as rien vu encore. Si tu restes avec elle faudra pas que tu t'étonnes. C'est juste un conseil, fais comme tu le sens. Ici y'en a beaucoup qui ont touché le fond. Moi je suis sûr à 100% qu'à cette heure-ci elle t'a pris pour un con. Non mais faut pas déconner. Elles veulent toute la monnaie. Tu bourges à faire pigeonner. Qui va finir par chômer? Les filles comme ça je les connais. Faut se les trimballer la journée. Tu payes 400 euros l'hôtel. Et tu peux même pas la fouler. Devant toi, tu vois pas ce qui se passe dans son dos. Elle fait les 400 coups, mais quoi qu'elle fasse, t'es accro. Car tu l'as low, tu l'as low, t'es ta drogue, tu l'as low. Tu regardes devant toi, tu vois pas ce qui se passe dans son dos. Elle fait les 400 coups, mais quoi qu'elle fasse, t'es accro.